les portes du pénitencier. Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres galants finir. Prends-moi ma mère à tenir, sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Oui, je t'ai trop fait fleurir. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, ouais, demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. C'est la nuit, traînez dans les rues, ils iront tout droit en prison. Toi la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer. Les larmes de honte que tu as versées, il faut les oublier. Du pénitencier, bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, et comme d'autres gars l'ont.